qui. Pourquoi t'es fini? Ce qu'on veut infinir. Comment ne pas finir sans se départir? Un océan de mots. Un océan de pensées. Un océan de mots, un océan de trous, dans lequel je me noie. Je cherche pas tant à soulever la poussière des pieds. Pas souffrir les images noyées. Comment surfer la vague sans rester dans le net, me noyer dans le vague, essayer d'être honnête. Un océan de mots, un océan de pensées, un océan de mots, un océan de trous dans lequel je me noie, dans lequel je me vois.